Frères et sœurs, ces quelques mots sur Jean-Baptiste sont toujours pour moi source d'une grande contemplation, aussi d'une grande joie, d'une grande, je ne sais pas, d'une... Je suis toujours bouleversé par ces mots de Jean-Baptiste. Quand il dit, alors qu'on vient le voir, à propos des baptêmes que lui pratique, ces bains de purification, et que lui dit, mais, et qu'on lui raconte que Jésus, celui qu'il a baptisé quelque temps auparavant, Jésus lui-même fait des baptêmes, et on lui dit, mais est-ce qu'il est légitime pour faire ça? Et Jean, bien sûr, va répondre, il va donner cette phrase, enfin cette explication en disant, mais enfin, nous baptisons dans l'eau, mais moi je baptise dans l'eau, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait. Et c'est finalement, moi je ne suis qu'un envoyé de Dieu. Je ne fais qu'agir au nom de Dieu, mais c'est ce que Dieu fait dans le baptême qui est important. Et il rappelle ça, il dit, voilà, cette phrase magnifique, cette expression magnifique, « Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. » C'est-à-dire que celui à qui je vais unir l'Église, je vais unir les hommes, c'est lui qui est important. C'est lui l'époux. Et l'ami de l'époux, c'est moi. Je me tiens là et je vois l'époux et l'épouse qui s'unissent. Et je suis rempli de joie à voir cette union et entendre l'époux qui appelle son épouse. Alors c'est bouleversant pour nous les prêtres d'entendre ça, parce que ça nous parle de notre vocation à nous. Nous ne sommes pas, nous baptisons, mais ce n'est pas nous qui unissons les âmes à Dieu, c'est le Christ qui le fait. Et c'est une réalité de voir Dieu agir par nos mains, mais c'est lui qui agit, c'est lui qui baptise, c'est lui qui s'unit les âmes. Eh bien c'est une joie extrême, une joie profonde. Et c'est ce que dit Saint Jean, hein. Il en est tout joyeux, l'ami de l'époux, de voir ça. Telle est ma joie, et elle est parfaite. Frères et sœurs, c'est ça, la vocation de l'homme. Et nous, prêtres, eh bien, nous avons la grâce de pouvoir le vivre d'une manière particulière. Mais la vocation de l'homme, c'est d'être des instruments dans les mains de Dieu, pour que Dieu puisse unir les âmes au ciel. C'est ça la vocation du chrétien en tout cas. Et c'est ça la source de la plus grande joie sur la terre. On pourra chercher des joies magnifiques, mais la plus grande joie sur la terre, c'est celle d'agir au nom de Dieu pour unir les âmes à Dieu, pour que Dieu les unisse. Simplement pour que nous soyons des petits témoins, des petits instruments, hein, des amis de l'époux. Et nous voyons, nous entendons la voix de l'époux parce que nous voyons ses œuvres. Ça, c'est la plus grande joie. Et pour que ça arrive, eh bien, Jean nous le dit, il faut que lui grandisse. Il faut qu'il grandisse en nous et que nous nous diminuions. Et plus nous serons tout petits, plus nous serons, convaincus de notre incapacité, plus nous serons totalement abandonnés dans les mains de Dieu, plus nous serons joyeux, plus nous verrons l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux, ces petites paroles de Saint Jean. Saint Jean-Baptiste, les petites paroles, ces grandes paroles, hein, qui traversent les siècles et qui bouleversent les générations, et qui, j'espère, ce matin nous touchent profondément, nous donnent un grand désir d'être tout petit. Alors bien sûr, nous pouvons avoir des grands talents pour faire des grandes choses, mais au fond, il faut qu'au fond de notre âme, nous soyons convaincus, absolument convaincus, que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Tout ce que nous faisons par nous-mêmes, c'est du vent. La seule chose qui compte, c'est l'œuvre de Dieu par nos mains. Alors, soyons des tout petits pour que lui grandisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.